histoire particulière. Tout commence le 11 août 1987, à 15h, quand deux employés de Coffee Root, en train de débroussailler les herbes hautes, découvrent un corps emmailloté dans une couverture. Nous sommes au kilomètre 135 de l'autoroute A10, près de la glissière de sécurité. C'est le corps d'une petite fille, morte depuis quelques heures. Elle a entre 3 et 5 ans, pèse 20 kg, mesure 95 cm. Pour le reste, on sait qu'elle est brune, de type méditerranéen, les cheveux courts, porte un peignoir à carreaux, un short blanc et un t-shirt rayé rose et blanc. Il faudra attendre 30 ans pour découvrir qui elle est. La suite de l'inconnu de l'autoroute A10, racontée par Michel Pomarède et Yvan Croisier dans ce second épisode. Jeudi 13 août 1987, le corps mutilé d'une fille est découvert sur le bord de l'A10. 2 juin 1988, le cadavre de l'A10 n'a toujours pas de nom. 10 mois après la découverte d'une fillette près de Blois, le mystère reste entier. 12 août 1989, 2 ans après, la martyre de l'A10 n'a toujours pas de nom. Dimanche 17 novembre 2013, la martyre de l'A10 se garde ses secrets. En dépit d'un dispositif hors du commun, les gendarmes ne sont jamais parvenus à identifier la petite victime. 11 août 2017. Il y a 30 ans, le corps de cette fillette était découvert dans un fossé sur le bord de l'autoroute. Qui est la petite martyre de l'A10? Inas Touloub, la petite martyre de l'autoroute A10. Michel Pomarède, Yvan Croisier. Suèvre, Loir-et-Cher. Donc Raphaël Pilbou, je suis conseiller municipal actuellement. J'étais déjà maire adjoint en 1987 quand c'est arrivé. Mais c'est vrai que ça secouait complètement le village par rapport à un fait que l'on pense qui ne peut jamais arriver. Alors pourquoi est-ce que cette petite inconnue de l'A10, puisqu'on l'appelait comme ça avant de l'appeler la petite martyre de l'A10, a été inhumée chez vous à Suèvre? Parce que le corps a été retrouvé sur le secteur de notre commune. Obligatoirement, c'est sur la commune où est décédé, sauf bien sûr s'il y avait eu des parents ou de la famille qui avaient reconnu après que la justice ait travaillé et sollicité le rapatriement du corps. Est-ce qu'on peut dire que Suèvre a adopté cette petite fille? Sans problème. C'est incontournable. Nous sommes une commune rurale et c'est un fait qui a débordé les gens dans le sens que c'est la petite fille de la commune. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y avait eu des atrocités de fait sur la petite. Ça a été quand même quelque chose que je vais dire très, très marqué, où les gens ont accusé le coup énormément. Moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est la volonté des services de recherche de s'en sortir un jour ou l'autre. Ça, c'est un truc qui m'a toujours frappé quand je recevais les services, les renseignements généraux, les flics d'Orléans ou de Blois. Pour eux, c'était indéniable. Ça serait dur, mais un jour, ils arriveraient à trouver quelque chose. Puisque en 87, l'ADN n'était pas encore présente, entre guillemets. Il y a quand même eu deux exhumations qui ont permis de travailler à ce niveau-là. Moi, je me rappelle la première exhumation où tout le secteur avait été bloqué, mais qui prouvait quand même que la gendarmerie voulait s'en sortir. Et puis derrière ça, le travail des procureurs successifs à Blois qui ont à chaque fois évité la prescription et qui voulait s'en sortir un jour ou l'autre. Donc là, on va vers où? Là, nous allons vers le cimetière. Et donc, sa tombe, à cette petite fille, est-ce qu'elle a été fleurie régulièrement? Oui, régulièrement. Au début, ça a été indéniable. Les gens, en allant sur la tombe de leur défunt, ou avaient un moment de recueillement sur la tombe de la petite, ou la fleurissaient, ou venaient l'entretenir, la balayer. Ça s'est fait régulièrement. Il faut reconnaître moins depuis quelques années, parce que c'est pas que les mentalités changent, mais nous sommes quand même à plus de 31 ans, mais ça se fait. on sent obligatoirement une recrudescence de venues sur la tombe ou d'entretien. Quand c'est relancé par la presse, télévisée, écrite ou quoi que ce soit, ne serait-ce que l'année dernière, il y a un an, quand l'affaire a été, entre guillemets, élucidée, derrière ça, il y a eu une recrudescence obligatoirement de gens, des envois même de nombreuses régions de France où nous avons reçu des dons ou des mots de soutien à ce niveau-là. Et vous vous souvenez donc ce moment de juin 2018, le 14 juin 2018, quand le procureur de la République de Blois tient sa conférence de presse et donne le prénom et le nom que tout le monde attendait depuis 31 ans. Nous avons été très surpris puisque nous l'avons su que par la presse le matin, avec bien sûr un grand placard. Et alors là, ça a été quand même un certain soulagement de se dire « ils ont réussi ». On ne peut pas juger de la culpabilité des parents tant que le dossier n'aura pas été traité en justice à ce niveau-là. Mais il est bien évident qu'à ce niveau-là, pour nous, ça a été dire un aboutissement important, sachant que derrière ça, aussitôt dans la matinée, nous avions contacté monsieur le procureur qui nous a dit « vous risquez d'avoir une affluence de médias qui sont arrivés ». Donc le maire, monsieur Lamoureux, m'a demandé de faire l'intermède. Mais ça a été... même pour les villageois, comme un soulagement, une délivrance de dire « enfin, il y a un nom, il y a un prénom, il y a des parents ». On rentre. Bonjour, bonjour. Mais je vous ai vu ce matin. Oui. J'ai été boire mon café. Oui. Ah oui, j'ai dit ça y est, les envahisseurs sont là. Ça s'était calmé un peu, mais... Ça revient. Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? André Denis, on voulait savoir comment vous êtes lié à cette histoire de la petite disparue. Comme tous les Sodobriens, on va dire, hein, parce que ça nous a tous plus ou moins interpellés. Et... il se trouve que ma mère, qui à l'époque était un petit peu désœuvrée, je lui dis « va donc voir, il y a des reporters sur la place qui sont en train de s'occuper pour la petite fille de l'autoroute ». Et puis elle est allée et c'était l'équipe de témoin numéro 1. C'est ça, oui, non, vous perdu de vue, je sais plus. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés à aller à l'émission. Et de fil en aiguille, eh ben, après, ça s'est éteint, plus ou moins. Les recherches se sont un petit peu perdues. Et puis, jusqu'à l'autre jour, là, qu'ils ont retrouvé, grâce à l'ADN et tout ça, et, eh ben, on est quand même assez satisfait du résultat maintenant. Parce que finalement, on sait tout et on sait rien. On a eu la malencontreuse idée de vivre dans le village où elle s'est fait enterrer, puis voilà. Mais sans savoir quelque chose de vraiment précis, c'est très difficile. Hein. Et ça reste toujours une énigme, parce que malgré tout, les parents n'ont pas l'air trop de bien vouloir coopérer et de nous donner vraiment quelque part satisfaction sur cette enquête, quoi. Qu'est-ce que vous savez en fait de ce rien. Rien. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on sache? On sait pas plus que n'importe qui d'autre. On peut pas inventer pour vous faire plaisir. On dit quand même que c'est la mère qui a martyrisé son enfant et que le père est complice. Voilà. Et qu'il ne l'a quand même pas réclamé. Qu'il n'a pas dénoncé. Qu'il n'a pas dénoncé. Voilà. Bon, après, on peut pas se mettre juge. On n'est pas assez qualifié. Hein. C'est quand même impressionnant de voir que. Même pris maintenant, il pourrait quand même dire la vérité, puis point. Hein. Au moins qu'on en ait le cœur net, quoi. Ça vous a soulagé d'ouvrir le journal l'année dernière? Ah ben, j'aimerais vous dire qu'on était contents, oui. Ça, on était très, très, très contents, hein, ça, là-dessus. On va pas dire que... Et puis, on est bien contents de la garder là, parce qu'apparemment, un enfant qui a pas été réclamé pendant si longtemps, on voit pas l'utilité d'aller en plus déplacer et tout ça... Elle a sa place parmi nous, ben voilà, elle est là, quoi. Voilà l'histoire, quoi. Mais on est soulagé, quoi. Au moins, on lui donne un nom, on sait qui étaient les parents. Bon, ben maintenant, la justice doit se faire, je l'espère. Est-ce que vous avez pensé à votre mère ce jour-là? Ah oui, parce qu'elle aurait été très contente, comme moi, d'apprendre l'arrestation des parents, enfin, si on peut appeler ça des parents. Nous sommes dans le cimetière où a été inhumé Inas, puisque maintenant nous pouvons donner le prénom. Et nous nous approchons maintenant de la tombe d'Inas qui se trouve ici. Ici même. C'est une tombe qui est située au niveau des enfants, puisque vous voyez que toutes les tombes sont réduites à la taille d'enfants de moins de 5-6 ans. Au départ, nous retrouvons la plaque qui avait été faite par la collectivité concernant le fait qu'elle était la petite inconnue de l'A10. Normalement, sur ce galet, si il n'est pas effacé, c'est effacé, il y avait le prénom Inas. Donc sur le galet, en fait, l'année dernière, oui, il est marqué Inas Touloub 1983-1987. Tout à fait. C'est ce qui était marqué. Bon, qui avait été marqué légèrement gravé avec du feutre dans les stries, mais avec le temps, obligatoirement, depuis un an, c'est un peu disparu. Donc nous avons sollicité auprès de monsieur le procureur de pouvoir, quand la tombe va être complètement refaite, mettre la plaque avec son prénom, son nom et les dates de naissance et décès, puisque maintenant nous les avons. Et bon, nous sommes dans une période où la sécheresse ne permet pas d'avoir des fleurs naturelles, alors que d'habitude, il y a souvent des fleurs naturelles faites encore par quelques administrés. Et une profusion de petits anges, en fait, sur cette tombe. Et une profusion de petits anges partout. Et ça, c'est depuis le départ, il est vrai, parce qu'elle a été comparée à un ange par rapport aux sévices qu'elle a subis. Et on m'a dit aussi qu'il y avait une caméra de surveillance qui donnait sur ce cimetière, qui était installée sur le toit d'un bâtiment. Donc je cherche ce bâtiment, c'était lequel? Il est derrière vous. Mais par contre, elle n'était pas sur le toit. Je peux le dire, puisque c'est moi qui ai fait l'intermède avec les services de gendarmerie. Cette information est vraie. Elle était à l'endroit où vous voyez la vitre cassée, à cet endroit-là. C'est-à-dire que la caméra avait été placée et les services de gendarmerie repassaient discrètement pour faire des relevés. Elle est restée qu'une semaine. Donc, ils pensaient peut-être que la famille, puisque c'est la famille qui est responsable de la mort de cette petite fille, viendrait voir la tombe. Exactement. Exactement. Et ça ne s'est jamais passé. Là, malheureusement, seuls les services de gendarmerie pourront vous le dire, parce qu'à nous, ils ne le disent pas, je tiens à vous le dire. De même, au début de l'affaire, entre guillemets, en 1987, M. Boisset, garde champêtre à ce moment-là, à la demande des services de gendarmerie, était planqué, entre guillemets, faisait des surveillances de la maison où vous voyez la fenêtre au volet là-bas, pour voir les éventuelles allées et venues, eu égard à ce qui s'était passé. Vous avez participé à l'enquête, en fait. Il y a eu plusieurs moments importants. Je me rappelle sous mon mandat de maire, par exemple, où les services de gendarmerie d'Orléans qui suivaient l'enquête étaient venus me voir en me disant de faire l'inventaire de tous les baraquements bois qu'il y avait sur la commune ou dans les environs, parce que après l'analyse de l'ADN, après les enquêtes qui se déployaient, ils s'étaient aperçus qu'il y avait des particules de bois qui pouvaient éventuellement dire que cette petite fille avait vécu dans un baraquement en bois. Quoi d'autre? Oh, par exemple, un coup de fil que j'ai eu sous mon mandat de maire. Une personne un jour qui me dit... Monsieur le maire, je suis comme illuminé, donc j'ai eu très peur, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve souvent la nuit, et dans mes rêves, je viens de voir une petite fille qui pourrait ressembler à la petite de l'Ardis. Alors, c'était du côté de Saint-Léonard-en-Beauce, une commune qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici, où il y avait une célèbre brocante, ce qu'on appelait la foire à Bigoteau. Et il dit, je revois une caravane en bois, avec une petite fille assise au pied des marches qui semblait malheureuse, et il voyait ça. Donc, ni une ni deux, avec un autre téléphone, j'ai appelé le correspondant que j'avais à ce niveau-là, avec les services qui suivent l'affaire à Orléans. Je les ai mis en rapport de téléphone en opposition, et je sais qu'après, ils ont pris rendez-vous, et je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais c'est des petites choses intéressantes. Le cimetière, vous y êtes allé souvent? Oh ben, on y va, on a notre tombe pas loin, on allait voir toujours un petit peu la tombe, quoi, sans savoir rien du tout, quoi. Maintenant, il y a un restant d'enquête à faire, hein, parce qu'elle a été retrouvée dans un drôle d'état quand même. Cela, frapper ses enfants, mais les martyriser comme on a seulement vu sur les photos, comme vous et moi, on a été quand même surpris de voir dans l'état qu'on a trouvé cet enfant. Hein. Voilà. Et les médias, l'année dernière ? Les médias. Ici, à Suèvre. Ben, les médias, comme tous les médias, hein, c'est faut vendre la pub. Hein, alors, vous voyez. Vous pensez qu'ils en ont fait trop sur ce fait divers ? Trop, oui, parce qu'arrive un moment, je pense que il faut surtout faire une enquête. Il faut pas, et ça, c'est un peu ce que je reprocherais. Mais il faut se rendre à l'évidence. Il y a encore toute une zone de non-dit et de, parce que là, pour l'instant, on est dans l'enquête, hein, et puis on ne sait pas jusqu'où ça va durer. Tout ça, c'est quand même un problème. C'est assez étonnant, je vous dis. Il y a toujours des zones d'ombre là. Bon, ben, on verra bien. On verra bien. Bon, ben, c'est sûr, on est heureux, on est apaisé. Là, je parle au niveau du village. Moi, je bois mon petit café tous les matins là. Et quand on en parle, ça fait l'unanimité. Et maintenant, tout le monde attend les résultats de cette enquête et de voilà. On est un peu moins satisfait de savoir qu'il y a un des protagonistes qui est sorti. Enfin, moi personnellement, il n'est pas resté longtemps emprisonné. Maintenant, je suis très étonné qu'un père ne cherche pas son enfant. C'est tout, hein, je suis pas juge, je suis pas enquêteur ni rien du tout, mais enfin, si vous perdez un enfant, en général, on voit plein de gens quand on perd, hein, ils mettent des annonces, et on les retrouve quand même assez vite, morts ou vivants, mais on les retrouve. Et là, c'est drôle que personne n'a réclamé ce corps. Bon allez, moi je vais peut-être aller bosser. Messieurs, bonne journée, bon courage. Allez, au revoir. Bah ici, ça avait fait un sacré chambardement à l'époque. Hein. Elle est enterrée là. Vous êtes un habitant d'ici ? Oui. Donc, je sais pas, pourquoi vous voulez savoir ce que j'en pense de ça ? Moi, ça me paraît bizarre, mais comment on a pour le... Et la mère, elle a été libérée aussi ? Ah, elle est restée là-bas. Donc le père était peut-être pas au courant, je sais pas. Vous non plus ? Donc... Vous vous rappelez de l'émoi du village ? Ah bah oui. Oui, je m'en souviens bien. Ben, et même les gens, ils allaient fleurir la tombe, des anonymes, elle était fleurie la tombe. Hein. Donc maintenant, ils ont pu mettre un nom dessus et tout, mais... C'est l'horreur, le truc. Vous êtes allé au cimetière, vous ? Oui, parce que je sais où aller, puis d'autres personnes... Évidemment, c'est pas une attraction. Hein. Bah, c'est pas facile, moi j'ai des enfants en plus, donc... À l'époque, mes enfants étaient petits, donc... Et le fait qu'elle ait un prénom et un nom ? C'est bien, si Dieu existe, au moins, elle a existé, elle a un nom, c'est pas mal, quoi. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'affaire, en fait, vous ? Ben que c'est la panique, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, ils l'ont balancé sur l'autoroute comme ça, elle était même pas déclarée à la naissance et tout. Ben que, soit c'était des cas sociaux ou des pervers, je sais pas, hein. Je sais pas plus, hein. T'as des gens qui vont s'engager, on n'y peut rien, ça. La pauvre gamine, heureusement qu'elle est morte tôt, à la limite, parce qu'elle a dû en subir. Hein. Mais ils l'ont jeté comme un paquet, quoi. Mais alors, le père était bien dans la voiture quand ils l'ont jeté. Alors, et pourquoi il a été libéré ? À la limite, si c'est la femme qui l'a fait, elle aurait pu aller la dénoncer. Non, mais enfin bon. Moi, tu veux écouter. Ben, c'est comme l'autre qui a été libéré, elle a tué. Ses enfants, ses parents, sa femme et tout, il vient d'être libéré. Jean-Claude Roman. Et un mec à La Réunion, il a fait 46 ans ou 49 ans de prison, il a tué deux personnes. Et là, il est libéré avec un bracelet. L'autre, il a fait que 26 ans et il a tué tout le monde. Et il est libéré. Il y a quand même des trucs qui m'échappent. Raphaël Pilbeau, peut-être que cette tombe, un jour, on va nous la reprendre. Mais pourquoi est-ce que on l'inhumerait ailleurs maintenant ? Pourquoi ? Pour la simple et unique raison, c'est que maintenant, elle a une famille. quelle va être la volonté de la famille par rapport à cette défunte enfant et qu'est-ce qu'ils vont faire. Pour nous, il est bien évident que nous souhaiterions la garder. Tout sera fait pour la garder si nous en avons. Mais il y a malgré tout une famille et nous ne pouvons pas nous opposer à une éventuelle demande et une décision de justice. Je ne parlerai pas des enfants, je ne me permettrai pas, je ne jugerai pas du tout puisqu'elle avait deux sœurs aînées, on est bien d'accord. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait quand même des parents, il y avait certainement des oncles, des tantes et des grands-parents. Comment on peut soustraire un enfant à la vie familiale sans que personne ne réagisse? Mais rien ne dit non plus aussi qu'éventuellement, personne ne soit passé un jour discrètement ici sans qu'on s'en aperçoive. Mais il est vrai que pour nous, c'est la petite fille du village. Elle n'est plus inconnue, puisque maintenant, il y a un nom, il y a un prénom. Et après, ça sera décision de justice. Bonjour, madame. Madame Boisset. Vous allez bien? Ça va très bien, sire. Je Oui. Avec le soleil. Bon, on va rentrer, faites le chopon. Hein? Oui. Vous faites comme chez vous. Donc, Madame Boisset-Geneviève, qui est la veuve de Monsieur Boisset-Bernard, qui était garde champêtre lors des faits, et qui est l'une des personnes les plus assidues pour fleurir, entre guillemets, ce qu'elle appelle, je vais dire vulgairement, sa petite fille, puisqu'elle est maman de trois garçons, elle n'a jamais eu de petite fille, et donc elle a presque adopté, je me permets, Geneviève, de le dire, la petite Inas. La petite inconnue qui n'avait pas de prénom et qui maintenant, qu'elle me dit, je l'ai vue la semaine dernière, m'a dit, je vais sur la tombe de ma petite. Ah depuis, oui. Depuis combien de temps, en fait? Ah, oh, mais il y a 31 ans, hein. Ça, je m'en rappelle. C'est Bernard sur la commode? C'est mon mari. Donc Bernard, c'était le garde champêtre? Oui. Qui a inhumé Inas? Oui, oui. Sans savoir qu'elle s'appelait Inas. Bah oui, parce qu'on l'a su il n'y a pas tellement longtemps. On a été heureux de le savoir, hein, pour lui donner un nom. Vous vous rappelez de l'année dernière, quand vous avez acheté le journal? Il paraît que vous achetez le journal tous les jours à 6h du matin. Ah oui, ça c'est... Oui, mais ce matin, j'étais levé à 5h30. Hein. Moi, je lis le journal tout de suite, vite fait, pour garder les morts. Après, je mange, et après, je détaille pendant plus d'une heure. Hein. Et donc, le 14 juin 2018, vous achetez le journal à 6h du matin? Ah, quand j'ai vu ça, c'est pas possible. J'ai pensé tout de suite à mon mari, parce que je lui disais, tu vois, on l'a trouvé quand même, l'assassin. Si tu savais, hein, oui. Il n'est plus là maintenant. Bernard, il est mort quand? Il y a au-dessus de 20 ans qu'il est parti, hein. Il est parti en 99. Donc vous êtes allé sur sa tombe ce jour-là? Ah oui, j'ai été y dire. Ah oui, tout de suite. Ah oui, avec des pleurs, mais enfin. C'est comme ça. De toute façon, j'ai tout mon dossier là, hein. C'est-à-dire? Bah, des photos, puis j'ai aussi quand ils mettent la petite Inas là dans sa tombe. Hein. C'est mon mari, il est en photo. Hein. j'ai tous les dossiers là. Donc vous avez mené l'enquête? Ah ben oui, j'emmène l'enquête comme je peux. Donc vous alliez sur sa tombe tous les combien? Oh ben quand ça m'en disait, j'avais des fois un moment de cafard ou. Je disais qu'elle avait beaucoup souffert. Et avoir fait tout ce qu'ils ont fait, hein. C'est affreux. Faut pas être maman, hein, pour faire ça. Enfin. Ah, elle mérite la perpétuité, hein. Ah ben, son mari, il est sorti, là. Il est pas mieux, hein. Pourtant, Il savait, hein. Il était au courant, hein. Il ne méritait pas être sorti. Eh oui, c'est ça l'histoire. Vous pouvez me montrer votre dossier ? Ah, avec plaisir. Ben, tout ça, c'est ses photos. Ma petite Inas. Sans nom et sans famille, mais avec des fleurs. J'ai tout découpé. Ah, ça, c'est le meunier, ça, c'est pas le même crime. Il y a un autre crime à Sèvres. Ah. 10 juillet 1888. Par une belle nuit d'été, au hameau de Fleury, Geneviève Bourreau, 74 ans, est tuée d'un violent coup de bâton asséné par un cambrioleur. Jugé en février 1889, l'auteur du crime, Noël Tournoy, n'était pas à son premier forfait. Mais vous n'étiez pas là, Geneviève, à l'époque. Ah non, hein. Et donc, en fait, vous qui êtes lectrice de faits divers, vous êtes retrouvée dans les journaux, parce que j'ai retrouvé votre prénom et votre nom l'année dernière dans beaucoup d'articles de presse. Oui. Donc vous êtes rentrée dans le journal, en fait. Ben, je pense. J'en ai tellement vu de journalistes que je ne me rappelle plus les uns des autres. J'en ai eu. Madame Boissé, je tiens à vous remercier pour votre temps et votre accueil. Bien à vous. Donc, signé une journaliste de Paris Match. Ben, celui-là aussi. Tiens, gardez, Libération. Chère Geneviève, voici comme promis un peu de lecture. Je vous remercie encore pour votre accueil. Prenez soin de vous, bien à vous. Julie, donc la journaliste de Libération, qui a consacré une double page à l'inconnu de la 10. Donc Julie Braffman, et c'est à la lecture de cet article que j'ai décidé de consacrer ce documentaire. Lisez-la, à partir de là, là. Le 14 juin, comme tous les jours, à 6h pile, Geneviève, 86 ans. 87, qui habite seule dans une maison à la propreté impeccable. Oh ! C'est comme chez tout le monde. Est sortie chercher le journal. Oui. Quand elle a étalé sur la table de la toile cirée, jaune, c'est-à-dire en dessous, voilà. Aujourd'hui, vous avez mis une nappe. Et elle est restée sans voix en lisant « La petite martyre de la 10 s'appelait Inas ». Elle a repensé à Bernard, son mari, le garde champêtre qui s'était occupé de l'enterrement en 1987. Elle a revu la grande gerbe de fleurs blanches qu'il avait achetée, s'est souvenu de toutes ses rondes avec les gendarmes, les planques la nuit pour surveiller les abords du cimetière, guettant un retour du meurtrier. Il a toujours dit que c'était la famille. C'est ce que disait Bernard, donc. Voilà, oui. Ma petite fille, elle a tellement souffert. Et vos enfants, est-ce qu'ils ont compris votre attachement à cette petite fille ? Bah, c'est un peu normal, quand même. Ils n'ont rien contre, hein. Donc demain, c'est l'anniversaire d'Inas ? Oui. Et vous lui avez préparé quelque chose ? Bah, je voudrais y mettre une fleur. Ma petite Inas. Inas Touloub, la petite martyre de l'autoroute A10. Avec Raphaël Pilbou, conseiller municipal à la mairie de Sèvres, Geneviève Boissé et André Denis, deux habitants du village. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation Yvon Croisier, un documentaire de Michel Pomarède. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous retournerons à l'origine du monde. Mais c'est une autre histoire.